J'suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici, mais que dois-je faire? Mais où est ma place? Noyé dans ma vie, je me jette à la mer. J'suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici, mais que dois-je faire? Perdu sans repère, noyé dans ma vie, je me jette à la mer. J'suis un fils de berger, fils de guerrier. J'ai mis du rail dans le Mercedes. J'attaque et je survis comme un puma. Pourtant je suis qu'un petit fainé. La souffrance du bled à travers ma voix. Fusil à l'épaule, drapeau à la main. C'est pour mes sarrasins, je porte beaucoup d'espoir. Et la gars tire ailleurs un rabou noir. J'ai 500 chameaux sous le capot. Le bled gravé dans la peau. Entre l'enclume et le marteau. Du mal à trouver ma place. Comme si j'étais né sur le bateau. Je suis coupable présumé. Ton baiser de Kabylie. Tu le fais avec le sourire. Dans une bouteille de verre. J'ai mis un peu de tissu. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je suis avec mes démunis. Mes voyous au grand cœur. Si la mort me refroidit. On m'enterre sur les terres de grand-père. Arraya, raya, raya, mana, mana, man. Les flics m'interceptent. Je passe au tribunal. Niqué mec. Pour comprendre, pas besoin d'interprète. Je suis pas de là-bas. Je ne suis pas d'ici. Mais que dois-je faire? Où est ma place? Noyé dans ma vie, je me jette à la mer. J'suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici, mais que dois-je faire? Perdu sans repère, noyé dans ma vie, je me jette à la mer. Pour la plupart, on met des sales titres, des histoires de voyous et flics. Ici, les contrôles de police, là-bas, on m'appelle immigré. Pour la plupart, on met des sales titres, des histoires de voyous et flics. Ici, les contrôles de police, là-bas, on m'appelle immigré. Le cul entre deux chaises, mon refrain c'est banal. J'en deviens bipolaire, tu sais qui tu es, donc le reste ne fait pas mal. Tu sais qui je suis, donc tu comprends ma douleur. Et tu le vois, j'ai maigri, j'raillable le micro. Là-bas, je suis l'immigré, ici, je suis le bico. Tombe dans le crime organisé comme Vito. Arbi veut des millions, mon tête au comico. Je dois mener la danse sans faire de faux pas. Je dois faire ce qu'il faut, je fais ce qu'il faut pas. Ce que je n'avoue pas, misère c'est ma phobie. Le mal je le fais, je ne le confonds pas. Traverse la mer comme un viking blindé. Hesmi, bouteille, idée, rinté. Je passe aux 20h, fierté. ZZ, jeunesse, hashtag pitié. Je suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici. Mais que dois-je faire? Mais où est ma place? Noyé dans ma vie, je me jette à la mer.